40 ans ont passé depuis la fin du conflit et pourtant, nous, Français, ne cessons pas d'être concernés par ce qui se passe en Algérie. Nous en avons encore eu la preuve ces dernières semaines avec le procès des auteurs des attentats qui ont ensanglanté Paris en 1995. Car la France, qu'elle le veuille ou non, est impliquée dans la deuxième guerre d'Algérie, comme certains historiens l'ont appelée, ne serait-ce que parce que nous abritons une importante communauté d'origine algérienne. En réalité, et malgré l'indépendance, les Algériens n'ont jamais coupé le lien avec l'ancien colonisateur, même si l'on peut estimer que le régime algérien s'est construit contre la France. La France repoussoire, la France soupçonnée en permanence de se mêler des affaires algériennes, la France où l'on exporte sa violence. Mais la France qui demeure le premier partenaire économique de l'Algérie et vers qui l'on regarde en permanence. Lien culturel, affectif, curieuse relation d'amour, haine. Avec M. X, nous avons souvent parlé de l'Algérie à propos de l'exécution du président Boudiaf, par exemple, ou encore plus récemment, en évoquant l'assassinat des 7 moines de Tibérine. Mais s'il a choisi cette semaine de revenir sur ce sujet, c'est à cause de l'actualité de ce procès des poseurs de bombes du GIA. Une affaire qui dissimule bien des mystères et qui, pour mon interlocuteur, trouve son origine dans la nature même du régime algérien et de la société algérienne. Dès l'indépendance, en 1962, les Algériens ont été déchirés. Enfin, pour simplifier, il y avait ceux qui voulaient privilégier l'héritage de la France, c'est-à-dire la modernité, la laïcité, le bilinguisme, par exemple. Il faut savoir qu'en effet, en Algérie, la population était largement francophone et qu'elle parlait un arabe un peu bâtard, très éloigné de l'arabe classique. Oui, dialectal, quoi. Enfin, j'imagine qu'après une guerre d'indépendance qui avait fait autant de victimes, il ne devait pas être facile d'afficher des sentiments francophiles. Naturellement. Alors, de l'autre côté, il existait une tendance à l'arabisation. Mmh. La nouvelle Algérie devait trouver son salut dans un ancrage au sein du monde arabe. Et puis l'islam. Bien sûr. Mmh. Et cette déchirure latente a été encore exacerbée par la montée progressive de l'islamisme. Mmh. Les jeunes Algériens, dont beaucoup sont au chômage, se disent volontiers islamistes et anti-occidentaux, bien sûr. Et pour la plupart, ils rêvent de venir travailler, s'installer en France, et le soir, eh bien, ils regardent la télévision française grâce aux paraboles. Ouais, autant de contradictions. Mais où voulez-vous en venir là ? Je voulais d'abord vous dire cela parce que ça explique en partie les relations difficiles entre notre pays et l'Algérie. Quoi qu'ils en disent, les Algériens restent obsédés par la France. Mmh. Oui. Et ils sont tentés en permanence de nous impliquer dans leurs difficultés. Soit en nous reprochant d'intervenir dans leurs affaires, soit en nous accusant de ne pas le faire. C'est compliqué, hein. D'autant plus compliqué que la politique française a souvent été fluctuante. Mais il est clair que la France ne peut pas se désintéresser de l'Algérie à cause des intérêts économiques qui nous lient. Pétrole. Surtout le gaz. À cause aussi de tous les enfants d'Algérie qui vivent chez nous. Enfin, j'en termine avec ce trop long préambule. Toutefois, je crois qu'il était nécessaire. Alors, voyons maintenant la nature du régime algérien. Comme vous le savez, l'Algérie n'a jamais connu de réelle démocratie. Et il faudra attendre 1988 pour que cesse le monopole du FLN sur la vie politique. Mais on parlera peut-être de cette année 88, car elle marque un tournant capital. Bon, en tout cas, jusqu'à cette date, ce sont les militaires qui règnent. Hein. Ça n'a pas cessé. Enfin, j'y reviendrai. Bref, après le règne de Ben Bella, c'est Boumedienne qui prend le pouvoir. Un putsch, hein. Oui, le pays se rapproche de plus en plus du bloc de l'Est. On assiste alors à une véritable soviétisation de la société, mais aussi de l'économie. Le collectivisme, c'est ça. Et l'Algérie reproduit fidèlement toutes les erreurs commises en URSS et dans ses autres états satellites. La révolution agraire, par exemple, est une véritable catastrophe. L'industrialisation aussi. Mais il y a le pétrole qui rapporte des milliards de dollars et ça permet de satisfaire les besoins les plus criants de la population. Certains experts estiment même que l'Algérie est alors un pays du tiers-monde qui s'en sort plutôt bien. Oui, mais sur le plan politique... C'est une dictature, ouais. Même s'il subsiste une très relative liberté de la presse. C'est la puissante sécurité militaire qui met le pays en coupe réglée. En même temps, le pouvoir arabise à tout va et favorise la montée de l'islam au nom des valeurs nationalistes. Et surtout la corruption. C'est presque inévitable dans un pays aussi centralisé. Les différents clans de l'armée se sont taillés de véritables fiefs et l'argent coule à flot. Et l'argent du gaz, et du pétrole, naturellement. Mais comme le gouvernement a le monopole des importations, les généraux touchent de confortables commissions sur tous les contrats. Il y a le général du médicament, celui de la bière, celui du blé ou encore du sucre. Et ça existe encore ? Bien entendu, rien n'a changé. J'ajoute que cette corruption s'est encore accrue après la mort de Boumediene. Mais son remplacement par Chablis. Oui, comme vous l'imaginez, cette situation a creusé un écart grandissant entre les puissants du régime et une population qui va aller en s'appauvrissant. Et pourquoi alors ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, l'explosion démographique et l'échec de la politique agricole qui a entraîné de plus en plus d'Algériens vers les villes. Mmh, oui, ils pensaient trouver du travail. Oui, j'imagine. Les malheureux se faisaient des illusions. Mmh. Puis ensuite, il y a eu la baisse du prix du pétrole au milieu des années 80. Et puis, notez-le bien, même si on en a peu parlé en France, le pouvoir algérien va devoir faire face au cours de ces années-là à de nombreuses émeutes. En Kabylie, bien sûr, où l'on réclame la reconnaissance de la spécificité berbère. Mais aussi dans plusieurs villes, à l'université ou dans la Casbah d'Alger, où les habitants réclament des logements décents. Mmh. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, un vrai problème du logement. Oui, c'est exact, oui. Est-ce que les islamistes profitent de ce mécontentement populaire? Bah forcément. Le pouvoir des généraux, en favorisant l'islamisation de la société algérienne, a joué avec le feu. Et en 1988, date clé de l'histoire algérienne, le FIS, c'est-à-dire le Front Islamique du Salut, qui est encore clandestin, va être instrumentalisé par un des clans de l'armée. Instrumentalisé, alors. D'accord, mais ça veut dire que le pouvoir n'est pas monolithique. Non, non, et là encore, on retrouve la France. La France qui intervient ? Non, non, je veux parler du passé colonial. En gros, car rien n'est simple, il y a des officiers qui sont issus de la LN, l'armée de libération nationale, d'authentiques combattants. Puis il y a les autres. Des officiers qui ont fait la plus grande partie de leur carrière dans l'armée française. C'est-à-dire qu'ils n'ont rejoint que tardivement les partisans de l'indépendance ? C'est ça, oui. Enfin, souvent, en 1961. Ouais, un an, tout juste avant l'indépendance. On appelle ironiquement ces ralliés de la dernière heure les enfants de troupes. Les enfants de troupes, parce qu'ils ont véritablement été enfants de troupes dans l'armée française ? Oui, pour la plupart. Ces hommes, malgré leur passé peu glorieux, ont quand même réussi à faire carrière dans l'armée et dans les premiers cercles du gouvernement. Ben, ils en veulent encore plus. Mais le pouvoir, quoi. Exactement. La totalité du pouvoir. Alors, 1988... Ça fait plusieurs fois que vous parlez de 88. Oui, oui. En septembre, le président Chadli revient de très longues vacances. Vous voulez dire de vraies vacances? Oui, oui. Chadli, qu'on appelle le roi fainéant, laisse son entourage gouverner. Mais il faut dire que ce général ne voulait pas être président. On lui a forcé la main. C'est qui La clique des généraux. Ils pensaient non sans raison que Chadli les laisserait agir à leur guise et continuer à s'en mettre plein les poches. En tout cas, cette année-là, malgré la crise économique, malgré les pénuries que subit la population, le président s'est octroyé 3 mois de vacances. Ouais, c'est pas rien, hein. En effet, à peine rentré à Alger, le président algérien prononce un discours stupéfiant devant une assemblée de responsables politiques et de hauts fonctionnaires. Discours relayé par la télévision. Dénonçant les malheurs de ses compatriotes, Chadli accuse l'incurie du gouvernement. Mais c'est quand même son gouvernement. Oui, vous avez raison. Mais il accuse aussi le parti unique dont il est par ailleurs le secrétaire général. Ça me paraît extraordinairement étrange tout ça. Ah, et la fin ne l'est pas moins. Le président reproche au peuple sa passivité et l'encourage à agir. Alors, c'est quoi? C'est une sorte d'appel à la rébellion? Ça y ressemble. Ah bon, d'accord, mais expliquez-moi alors. Bon, il est évident que le roi fainéant Chadli n'a pas pris cette initiative tout seul. Il a été conseillé, peut-être même lui a-t-on écrit son discours. Enfin bref, vous l'avez compris, dans son entourage, quelqu'un ou quelques-uns ont décidé de mettre le feu aux poudres. Ouais, vous êtes toujours prompt à voir partout des éminences grises, mais est-ce qu'on ne peut pas penser tout simplement que Chadli a pris la mesure du mécontentement populaire et qu'il a pris les devants? Avant qu'on ne s'en prenne à lui, c'est ce que vous voulez dire? Bah, oui. Eh bien, pardonnez-moi, mais vous êtes naïf. Chadli n'est qu'une marionnette aux mains des militaires. Et la réalité, c'est qu'un clan a décidé de se débarrasser de l'autre, y compris en mettant l'Algérie à feu et à sang. Ce qui va se passer? Oui. Des grèves éclatent, le mécontentement s'accroît, les pénuries alimentaires deviennent de plus en plus fréquentes, alors même qu'il existe des stocks. Vous voulez dire que c'est... pénuries sont systématiquement réalisées. Je pense, oui. Et ce qui doit arriver arrive. Début octobre, le 5, je crois, de jeunes Algérois descendent dans la rue. Et curieusement, dans ce pays où les forces de l'ordre sont mobilisées en masse à l'annonce de la moindre manifestation, il n'y a aucun policier dans la rue. Oui, mais est-ce que les autorités savaient, après tout, cette manifestation pouvait être spontanée? Vous plaisantez. En Algérie, à l'époque comme aujourd'hui, pas grand-chose n'échappe aux services de sécurité. Par conséquent, le gouvernement sait depuis plusieurs jours que ce 5 octobre, la population excédée va manifester. Et pas seulement à Alger, mais dans plusieurs villes du pays. Et s'il n'y a pratiquement pas de policiers dans Alger, ce n'est quand même pas innocent. Dans un instant, nous revenons avec Monsieur X sur cette curieuse manifestation du 5 octobre 1988. Une manifestation qui, disons-le tout de suite, va donner le signal des violences qui ensanglantent encore aujourd'hui l'Algérie. Auparavant, voyons une nouvelle fois la nature des relations entre la France et l'Algérie. Lucille Provost, c'est un pseudonyme, est une fonctionnaire française qui a travaillé à l'ambassade française à Alger. En 1996, elle a publié chez Flammarion « La deuxième guerre d'Algérie », un ouvrage d'analyse dont la grande lucidité lui a valu quelques ennuis avec le gouvernement de notre pays. J'en extrais ce passage, elle parle des autorités algériennes. Mais l'attitude même du pouvoir suffisait à prouver aux Algériens l'importance de la France. S'il en parlait tant, c'est bien qu'elle avait gardé toute son influence en Algérie, voire l'avait accrue. La société algérienne, si elle a toujours été sensible aux sirènes du nationalisme, n'a jamais cru en effet le régime capable de donner au pays les moyens nécessaires à une véritable autonomie vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, ni qu'il en ait eu l'intention. Affichée de manière si insistante, la distance à l'égard de la France était en fait indiquée à coup sûr son importance pour l'Algérie et les intérêts particuliers, politiques et financiers qui y étaient liés. L'ensemble de la société algérienne a donc continué de se sentir un peu française et de garder les liens avec notre pays sous les formes les plus diverses. Attaches familiales, contacts économiques, lieux de vacances ou d'études. La France reste, ou plutôt restait, jusqu'à ces deux dernières années où le nombre de visas délivrés aux Algériens était drastiquement réduit, l'horizon de l'ensemble des Algériens. Alors, à votre avis, qu'attend-on de cette manifestation ? Qu'elle dégénère ? C'est évident. Effectivement, la manifestation est très violente. C'est à une véritable émeute qu'on assiste. Des magasins sont pillés, des commissariats sont attaqués, des ministres molestés. Le soir, on décrète l'état de siège et la répression commence. Quel a été le rôle des islamistes dans cette affaire ? Vous pensez bien qu'ils ne pouvaient pas rêver meilleure occasion pour renforcer leur influence sur la jeunesse en particulier. Tous ces chômeurs, ces étistes... Quoi ? Étistes, ça vient d'un mot arabe. Ce sont ces jeunes gens qui passent leur vie au pied des murs parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ah oui, d'accord. Je peux vous le dire, ces gens qui sont à l'origine de cette affaire espéraient bien que les islamistes allaient entrer dans la danse pour accentuer la déstabilisation du régime. Enfin, n'allons pas trop vite. D'accord. Je suis habitué. Alors, la répression ? Elle est féroce. L'armée intervient. On arrête à tour de bras, on torture, et au final, on comptera presque 500 morts. Cette violence extrême a fait l'effet d'un véritable séisme en Algérie. Et en toute hâte, le président Chadli amorce une démocratisation du régime en autorisant la création de partis politiques. Mais est-ce que ça suffit pour calmer la population ? Provisoirement. Oui, mais concrètement, enfin, le clan qui est à l'origine de ce séisme, comme vous dites, a-t-il tiré parti de cette affaire ? Bien sûr. À la suite de cette répression extrêmement féroce, plusieurs généraux appartenant à la vieille garde sont limogés. La vieille garde FLN. Oui, ils sont remplacés par les enfants de troupe, comme on les appelle, c'est-à-dire le clan des anciens de l'armée française. Mais ce n'est pas tout. Le FLN est discrédité, l'ex-parti unique est court-circuité. C'était le résultat auquel voulaient aboutir les auteurs de cette manipulation qui désiraient se débarrasser des caciques qui en étaient à la tête. Et Chadli, alors Il surnage. Enfin, c'est normal, puisque son directeur de cabinet, le général Belkhair, est l'un de ses officiers qui sont à l'origine de la manœuvre. Mais c'est loin d'être fini. Suivent ensuite les élections locales, les premières élections pluralistes depuis l'indépendance. Et c'est le fils qui rafle la mise en surfant, comme on dit aujourd'hui, sur le mécontentement populaire. Mais dans des conditions pas toujours très claires. Mais c'est-à-dire ? On observe beaucoup d'irrégularités. Dans certaines communes, on a voté sous la surveillance de militants du fils armés de barres de fer. Mais curieusement, les autorités ne bronchent pas. On a sciemment laissé faire, alors. C'est très possible. Je vous l'ai dit, les islamistes ont été instrumentalisés. Et ils vont continuer à l'être. En 1991, l'Algérie traverse une période très chaotique. Il y a de nombreuses grèves, des émeutes. 1991, c'est aussi l'année de la guerre du Golfe. Oui. Les dirigeants du FIS, qui ont pourtant été largement financés par l'Arabie Saoudite, prennent fait et cause pour Saddam Hussein et orchestrent de violentes manifestations contre les Occidentaux. Oui. C'est aussi l'année donc où le FIS va remporter les élections législatives. Oui, et là encore, on va assister à de curieuses manœuvres. Enfin, disons pour simplifier que tout au long de cette année 91, il existe une volonté de continuer à déstabiliser le pays. Toujours ce clan des généraux, là ? C'est certain. On essaie d'exacerber les tensions et de pousser les islamistes à avoir recours à la violence. Alors, ça voudrait dire, enfin clairement, que le fils s'est infiltré. Naturellement. Avant l'été, le fils déclenche une grève générale qui débouche sur une véritable insurrection civile. Le pouvoir fait arrêter les deux leaders du fils, Abbasi Madani et Ali Belhad. Ce qui évidemment ne doit pas calmer la situation, bien au contraire. Bien sûr, bien sûr. La conséquence, c'est que le fils décide de boycotter les élections législatives qui doivent avoir lieu à la fin de l'année. Et ça... Ça ne fait nullement l'affaire des comploteurs. Pourquoi ? Ben parce qu'ils veulent que le fils remporte les élections, c'est aussi simple que cela. Et ils vont tellement bien faire que le parti islamiste va effectivement revenir sur sa décision. Mais comment alors ? Ben, ils obligent Chadli à déclarer publiquement qu'il est prêt à gouverner avec les islamistes s'ils viennent à gagner les élections. Mmh. Alors aussitôt, le fils décide de participer au scrutin. C'est normal. Enfin, la suite, vous la connaissez. Au premier tour, les islamistes triomphent. Il n'y aura pas de deuxième tour. L'armée va s'imposer. L'armée qui est aux ordres de ces généraux qui manœuvrent dans l'ombre depuis si longtemps. Des généraux qui accèdent enfin seuls au pouvoir. Donc, si je vous suis bien, pour arriver à leur fin, je parle des généraux, il fallait que les islamistes gagnent les élections. Bien entendu, c'était le prétexte qu'ils attendaient. L'armée se donnait le beau rôle en évitant au pays de devenir un nouvel Iran. Et notez-le bien, en Occident, à part quelques exceptions, on approuve. Car même si on a guère de sympathie pour les généraux qui ont interrompu le processus électoral, on respire. Le danger islamiste faisait très peur. Il me semble me souvenir que François Mitterrand a fait la fine bouche. Oui, non, en fait, il a été très prudent. Il a condamné l'intervention des militaires, ce qui a suscité la fureur des généraux. Mais dans le même temps, le président français a déclaré comprendre leur motivation. Non, c'est Jospin qui s'est exprimé le plus clairement en désapprouvant l'interruption du processus démocratique. Mmh. En réalité, la France va objectivement soutenir les généraux, en refusant par exemple de réduire l'aide économique à l'Algérie. C'est donc, enfin, soyons clairs, c'est donc une sorte de coup d'État qui a été perpétré. Oui, incontestablement. Et les choses vont aller très vite. Chadli a joué son rôle, on n'a donc plus besoin de lui et on le pousse à la démission. On le pousse. Oui, on l'oblige à signer sa lettre de démission en le menaçant physiquement. Chadli ne peut que s'incliner. Je comprends. Les généraux ont donc gagné, mais il leur faut trouver un autre président potiche. Ce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ne pas le choisir parmi eux ? Parce que ces hommes qui détiennent tous les leviers du pouvoir politique, militaire et économique préfèrent demeurer dans l'ombre. Il leur faut un paravent civil qu'ils pourront manipuler. Un homme qui leur permettra de continuer à percevoir de substantielles commissions sur les importations de biens, les affaires immobilières et bien entendu le pétrole. Ouais. Donc, et on le sait, c'est Boudiaf qu'ils vont choisir. Mais on en a parlé ensemble déjà. Ouais. Mais enfin, pourquoi lui ? Écoutez, je ne vais pas me répéter puisque je vous ai déjà longuement parlé de Mohamed Boudiaf. Mmh. Enfin, pour faire simple, disons que ce personnage est emblématique puisqu'il a été l'un des pionniers du combat contre la colonisation. Bien sûr. Et surtout, il a un avantage énorme sur les autres candidats possibles. Il vit depuis de longues années à l'étranger, au Maroc, exactement. Mais pourquoi est-ce un avantage ? Tout simplement parce que les généraux estiment qu'il est coupé de la réalité algérienne et donc qu'il ne sera pas en mesure de s'occuper de leurs affaires. Ouais, c'est-à-dire qu'il ne sera pas susceptible de comprendre le système mafieux qui a été mis en place. Voilà. Mais la nouvelle marionnette va rapidement échapper à ses créateurs. Boudiaf n'est pas n'importe qui. Il n'est pas décidé à s'en laisser compter rapidement et malgré la surveillance constante dont il est l'objet, il donne d'inquiétants signes d'indépendance. Pire, il dénonce publiquement la corruption, commande une enquête, fait arrêter un important trafiquant lié à un général et limoge un autre officier supérieur, membre de la clique. Bref, Boudiaf devient très gênant. Je crois me souvenir que les officiers qui ont entrepris d'enquêter sur la corruption, là, seront abattus. Et on mettra leur assassinat sur le compte des islamistes. Ouais. Et puis on finira par éliminer Boudiaf lui-même. Oui, oui, fin juin 92, soit à peine 6 mois après son retour en Algérie. Ouais, c'est un obscur sous-lieutenant qui l'abat. Oui, un militaire de la direction de la sécurité militaire qui a été manipulé et qui sera bien sûr accusé d'être un islamiste enragé. Oui, mais pour vous, c'est clair, ce sont les généraux qui sont derrière. Évident. Des généraux qui, en se servant du fils pour arriver au pouvoir, ont ouvert la boîte de Pandore et déclenché un cycle infernal. La mafia des généraux. Tel est le titre de l'ouvrage écrit par un ancien officier algérien, Hichem Aboud, qui a trouvé refuge en France. Son livre, paru en 2002 chez Jean-Claude Lattès, est un véritable réquisitoire. Voici comment il décrit l'arrivée à Alger de Mohamed Boudiaf, qu'on est allé solliciter au Maroc et qui a d'ailleurs hésité avant d'accepter le poste de chef d'État qu'on lui offrait sur un plateau. En une semaine, l'affaire est bouclée. Le 16 janvier 1992, Boudiaf arrive à l'aéroport d'Alger. Il se voit tendre un bout de papier sur lequel est écrit un discours dont il n'a pas la moindre idée. Un avant-goût de ce que va être son rôle entre les mains des généraux. En vieux routier de la politique, il plie le papier, le met dans sa poche et improvise un discours simple avec la spontanéité des patriotes sincères. Pourquoi Boudiaf, puisque les décideurs voulaient un homme analphabète, inculte et apolitique? Si Taïeb El-Ouattani, c'est son nom de guerre, ne répond à aucun de ces critères. Mais il est affligé d'un lourd handicap dont ils vont tirer grand profit. Sa méconnaissance de la réalité algérienne après tant d'années d'exil. Il ignore tout de la nature du pouvoir algérien. Il ne sait pas qu'il va avoir affaire à des mafieux qui n'hésiteront pas à le liquider. Il est le premier à dénoncer la mafia politico-financière, mais il ne sait pas qu'il vise ceux-là même qui l'ont tiré de son exil pour l'installer au palais présidentiel. Un palais qu'il trouve vide. Il n'y avait pas un seul papier, pas un dossier laissé par son prédécesseur. L'auteur ajoute que le président Boudiaf s'entoure de conseillers qui vivaient comme lui en exil et pourtant, en moins de 6 mois, il va comprendre pour son plus grand malheur. Depuis le début de cet entretien-là, vous parlez des généraux, essentiellement des anciens de l'armée coloniale, mais qui sont-ils exactement? Sont tous ceux qui ont la haute main sur les forces de sécurité. Enfin, à quoi bon donner leur nom? Ces gens-là n'hésitent jamais à vous attaquer. Oh, ça ne leur porte pas toujours chance, hein, celui qui est récemment venu à Paris. Oui, poursuivi en diffamation, un ancien officier algérien, auteur d'un livre accablant sur l'armée et son implication dans les exactions du GIA. Mais le procès a mal tourné pour le général. Oui, c'est l'accusé qui est devenu l'accusateur. Oui, c'est ça. Bon, je pense qu'ils se reconnaîtront. J'ajoute que certains ont été à bonne école puisqu'ils ont été formés par les soviétiques. KGB? Exactement. Il faut aussi noter qu'il existe une remarquable continuité. L'homme qui a été le directeur du cabinet de Chadli occupe aujourd'hui les mêmes fonctions auprès du président Bouteflika. Ces hommes et quelques autres sont les vrais maîtres de l'Algérie. Bien. Alors, revenons à ce que vous avez dit. Pour reprendre vos propres termes, en manipulant le fils, ces généraux ont ouvert la boîte de Pandore. Oui, oui, je vous explique. Ils se sont servis du fils, mais ils n'en ont plus besoin. Mais ils sont bien placés pour savoir que le mouvement islamiste demeure une importante force de contestation. Par conséquent, ils vont s'attaquer au fils. Et très rapidement, après leur putsch, ils prononcent la dissolution du parti islamiste et de très nombreux militants sont arrêtés et déportés dans le sud. La répression. Et une répression très dure. Ces généraux ne sont pas des tendres, hein. Ils l'ont démontré à plusieurs reprises. Mais ce faisant, ils vont précipiter les islamistes dans la clandestinité et la lutte armée. C'est pourquoi je vous parlais de cycle infernal. Mmh. Naturellement, dans le mouvement islamiste, ce sont les plus durs, les plus violents qui donnent le ton. C'est ainsi que se forment les premiers maquis. Jusque-là, les islamistes n'avaient jamais choisi la lutte armée? Dans les années 80, on avait assisté à la naissance de quelques mouvements armés, mais la reconnaissance officielle du fils en 1988 avait mis fin à ces tentatives. Là, c'est différent, c'est une véritable guerre civile qui commence. Une guerre atroce d'ailleurs, qui va faire des dizaines de milliers de morts et qui aura des conséquences tragiques jusque chez nous. Car la France finira par être prise en otage dans ce conflit algéro-algérien. À cause de son soutien aux généraux? Bien sûr. Même si les gouvernements successifs ne veulent pas donner l'impression de choisir entre les généraux et les islamistes. Il est clair que nous sommes du côté des hommes au pouvoir à qui nous accordons une aide économique importante et à qui nous livrons du matériel militaire. Ça va nous valoir d'être directement impliqués. Et cela commence en 1993 avec l'assassinat de 2 géomètres français. Puis il y a ce curieux enlèvement de 3 fonctionnaires du consulat. Un enlèvement bidon, avez-vous dit, quand vous avez parlé de la tragique histoire des moines de Tibérie. Oui, en fait, et on le sait aujourd'hui, ce sont les services algériens qui ont organisé ce kidnapping. Parce qu'ils voulaient pousser le gouvernement français à agir contre les islamistes qui se trouvaient sur notre territoire. Ce qui sera fait d'ailleurs. Hein, c'est la fameuse opération Chrysanthème, ordonnée par Charles Pasqua. Une rafle dans les milieux musulmans opérée sans grand discernement. Dans le même temps apparaît en Algérie le GIA, le groupement islamique armé. En fait, nous en avons déjà parlé, il n'y a pas un seul GIA unifié, mais des GIA qui vont agir à leur guise et perpétrer des massacres. Des massacres de civils, surtout. Oui, jusqu'en 1994, la branche armée du fils, l'AIS, armée islamique du salut, s'est contentée d'attaquer des objectifs militaires. Avec le GIA, c'est tout autre chose. Civils, policiers, militaires sont indifféremment pris pour cible. Et autant vous le dire, ça arrange le pouvoir. Pour quelle raison? Il y en a plusieurs. D'abord, ça permet de diaboliser les islamistes, donc de justifier la politique de répression menée par les forces de l'ordre. Et puis ensuite, les horreurs perpétrées par le GIA font qu'à l'étranger, on est enclin à soutenir les généraux. La deuxième raison est peut-être plus machiavélique. L'existence du GIA permet de se débarrasser d'éléments gênants. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'on veut éliminer un opposant, on met ça sur le compte du GIA. Oui, c'est pratique. Hein. La troisième raison est encore plus cynique. Les généraux mettent en avant leur lutte contre le terrorisme pour rester au pouvoir et mettre le pays en coupe réglée, au nom de la lutte contre l'intégrisme. Oui, parce qu'ils apparaissent comme indispensables. Naturellement. Mais si je vous entends bien, ils sont donc, tentés de prolonger ce conflit. Forcément. Parce qu'il est quand même difficile d'expliquer comment l'armée qui est puissamment équipée, qui dispose du matériel le plus performant, grâce à la France notamment, n'est pas encore venue à bout de ces maquisards qui peuvent descendre dans les villages et égorger impunément, sans que l'armée, parfois casernée à proximité, n'intervienne. Et ça fait 10 ans que ça dure. Ouais. Alors, ces généraux sont donc implicitement complices des tueurs du GIA? Quand ils ne sont pas à l'origine même de la création de quelques GIA. Ah, c'est une accusation excessivement grave. Oui, surtout quand on pense aux sanglants attentats perpétrés en France. Mais ça, j'y reviendrai, je vous le promets. En tout cas, pour la malheureuse population algérienne, ça signifie qu'elle est prise en étau entre une clique corrompue et des fous sanguinaires. L'existence de l'une justifiant celle de l'autre. Mais avant d'aborder les relations contre nature qui existent donc entre les services algériens et les GIA, je voudrais attirer votre attention sur un point très curieux. Allez-y, je vous écoute. Eh bien, est-ce que vous ne trouvez pas étrange que les commandos du GIA ne se soient pratiquement jamais attaqués aux installations pétrolières, à l'exception d'un sabotage opéré contre une entreprise française? Elles sont peut-être très protégées. Oui, ça c'est certain, mais on a même prétendu que si l'armée ne parvenait pas à réduire les maquisards, c'est qu'une grande partie de ses effectifs était mobilisée justement pour assurer la sécurité de ses installations. C'est logique, hein, les hommes au pouvoir tiennent à leur rente pétrolière. Oui, certes, mais enfin je suis persuadé qu'il y a autre chose. Quoi, faut me le dire. Beaucoup de ces puits de pétrole sont aujourd'hui exploités par des sociétés américaines. Et les États-Unis, au moins jusqu'au 11 septembre, n'ont jamais été vraiment hostiles aux islamistes. Après tout, il ne faut pas oublier que Oussama Ben Laden a longtemps collaboré avec la CIA. Oui, enfin, contre les soviétiques en Afghanistan. Oui, et contrairement aux autorités françaises, le gouvernement des États-Unis a envisagé sans trouble, excessif d'ailleurs, l'arrivée au pouvoir des islamistes à Alger. Mieux, un des leaders du FIS, un certain Anwar Adam, a longtemps représenté officiellement son mouvement aux États-Unis. Donc avec la bénédiction de Washington? Oui, ce Radam, lorsqu'il se rendra à Rome en 1995 pour participer à une réunion des principaux partis algériens, fera le voyage dans l'avion du ministre américain de la Justice. Je peux aussi ajouter que cette conférence censée apporter la paix en Algérie a sans doute été suscitée par la CIA. Oui, mais vous la voyez partout. Admettons. Bon, non, ce que je veux dire, c'est que je soupçonne les Américains d'avoir négocié avec les islamistes dans le seul but de protéger leurs installations pétrolières. Et en contrepartie, alors, qu'aurait-il à faire pour acheter cette sécurité? Là, je vais vous étonner, mais je ne sais pas. Enfin, écoutez, il n'est pas trop difficile de deviner. De quoi avaient besoin les maquisards? D'armes et d'argent. Impossible de vérifier cette thèse. Mais, par contre, il n'est pas sans intérêt de lire un rapport de la RAND Corporation, l'un des centres de recherche officieux de la CIA, rapport écrit en 1995 par un certain Graham Fuller. Il écrit d'abord: la question n'est pas tellement de savoir si le fils arrivera au pouvoir, mais comment il y parviendra, jusqu'à quel point il le contrôlera et avec qui il devra le partager. Dans la suite de son rapport, Fuller envisage sereinement cette hypothèse qu'il ne juge pas dommageable pour les intérêts des États-Unis. Au contraire, il pense que l'islamisme est un corps soluble dans le nouvel ordre mondial. L'expérience vaut donc d'être tentée. Et il conclut, je le cite à nouveau, « L'islamisme ne ressemble pas au communisme. Il n'a pas de direction, pas de programme central. La politique islamiste découle directement de la culture locale traditionnelle. Enfin, les mouvements islamistes présentent une diversité considérable et le principe antidémocratique ne leur est pas inhérent. De surcroît, ils évoluent avec le temps. Enfin, les gouvernements islamistes ont toutes les chances de se multiplier au Moyen-Orient dans les années à venir, prenant de nombreuses formes différentes. Ils auront à apprendre à vivre avec l'Occident, et l'Occident aura à apprendre à vivre avec eux. Cette expérience avec le fils algérien a donc une portée considérable. Mais c'était, je vous le rappelle, avant que George Bush ne décrète la lutte contre l'Empire du Mal.